Les nouvelles des activités révolutionnaires du maréchal Kim Jong-un ont été rapportées dans divers pays. L'agence de presse TASS et la télévision Zvezda de Russie, l'agence de presse Xinhua, le journal Heilongjiang, les réseaux Xinhua et de la radio internationale de Chine, l'UPI des États-Unis, le journal birman de Miro Daily, le journal d'internet algérien Al-Bilad, les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée, le homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections et le homepage d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsunisme kimjongisme, du Comité national d'études des édujutsés du Congo démocratique et de l'Association d'amitié Pekshenchek-Corée ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un a dirigé la compétition de tir des femmes artilleurs de lance-roquettes par grandes unités combinées de l'armée populaire de Corée. Le journal népalais Arfan, le homepage d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des édujutsés et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée ont informé de son inspection de la troupe de défense de l'île de Maap située au front ouest, alors que le homepage d'internet de l'Association d'amitié Pekshenchek-Corée a présenté son inspection de la base avancée de l'île de Kali à l'extrémité sud des parages du front sud-ouest et de la troupe de défense de l'île de Tsangze. Les radios nationales, internationales et en cette langue nationale de Guinée et les homepages d'internet du Comité national nigérien d'études du kimilsunisme et kimjongisme, du Comité brésilien pour la solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et du Comité national d'études des édujutsés du Congo démocratique ont fait part de son inspection de l'entreprise halieutique 25 août de l'armée populaire de Corée. L'agence de presse russe TASS, le réseau Planète de Chine, ont rapporté que le maréchal Kim Jong-un s'est fait photographier en souvenir avec les participantes à la 6e conférence de l'Union démocratique des femmes de Corée et le journal népalais Arfan, l'homepage d'internet de l'Association des journalistes népalais d'études des édujutsés et de la politique de Sengun et de l'Association d'amitié Népal-Corée et l'homepage d'internet du Forum allemand anti-impérialiste Nouvelle des Inspections ont présenté ces inspections des entreprises halieutiques 27 mai et 8 janvier de l'armée populaire de Corée. Les journaux et Internet ont inséré les photos du maréchal Kim Jong-un.